Je pourrais assumer ma vraie personnalité. Je pourrais leur montrer qui je suis en réalité. Comme dans un film américain, l'ego triomphe à la fin. Mais à quoi bon? Ils me détestent de toute façon. Ils me détestent de toute façon. Je pourrais être à l'aise et imposer mes idées. Je pourrais la séduire et passer la nuit à baiser. Comme dans une psychothérapie, j'assumerais toutes mes envies. Mais à quoi bon? Ils me détestent de toute façon. Ils me détestent.